Faut qu'on progresse, c'est l'heure d'un rébellion qui se manifeste. Dis-leur, faut que ça cesse. Faut qu'on progresse, c'est l'heure d'un rébellion qui se manifeste. Notre devoir, c'est de réunir. Mettre les choses à plat, faut pas qu'on déchire. Notre devoir, c'est de réunir. Faut mettre les choses à plat, faut pas qu'on déchire. Yeah.